comment lévitation et toutes ces précisions. P2OP, comment lévitation avec toutes ces précisions. Je réclame ton attention. Ok. Parfois il faudrait si peu pour penser à s'évader, comme ce beat qui frappe mon cœur de façon saccadée. À laisser le temps toujours te frapper la tête, sans vraiment savoir où tu es dans cet état de fait. Je plane sur mon passé, n'en garde que ces putains de visions. Le cœur se fane et ne prononce que le mot dérision. Hip hop, m'entends-tu sur cette dite précision? L'esprit qui me dit vas-y, écris, s'entend la lévitation. Le manque est la vertu de l'homme qui se sent mourir, parce qu'on n'est pas prêt à consommer le mot souffrir. On ressent ce compressant sans être présent, libérant son âme sur le lyrisme qui se dit pressant. Constatation du réel sans vouloir quitter son rêve, ne jamais avoir ce que l'on veut et sans aucune trêve. J'ai mal de subir ce qui me dit vas-y que je t'achève. Tu sais de quoi je parle et c'est pour cela que moi j'en crève. Laisse-moi m'envoler vers ces putains de nuages. Ce qui voyage sans frontières et toujours se propage. À force de rechercher la carte, celle qui t'indique que le bonheur a la vertu d'être seulement oblique. Et oui, je te dis, car il en est ainsi. Vas-y, laisse-toi porter sur ce son, y'a pas de sursis. Une vie sans différence, sans dire ce que l'on pense. Après, on te dira vraiment que tu as de la chance. Regarde, écoute, et surtout ressens. Un artiste qui se perd dans ce moment présent. Rien de banal, si ce n'est qu'exprimer son art sur la montre de l'avenir et ne pas être en retard. Le tic sur le tac, comme la raison qui m'attraque. Le reflet de cette vision brillante dans cette flaque, espérance quand tu me tiens, surtout ne me lâche pas, évidence de ce maintien pour le destin qui restera. Comment lévitation, je réclame ton attention. Ok. Parfois il faudrait si peu pour penser à s'évader, et comme ce beat qui frappe mon cœur de façon saccadée. À laisser le temps toujours te frapper la tête, sans vraiment savoir où tu es dans cet état de fait. Je plane sur mon passé, n'en garde que ces putains de visions. Le cœur se fane et ne prononce que le mot dérision. Hip hop, m'entends-tu sur cette dite précision? L'esprit qui me dit vas-y, écris, s'entend la lévitation. Comment lévitation? Je réclame ton attention. Ouais. Comment lévitation? Tu réclamais toute ton attention.